Hey, toi là, hey, fais pas style, tu vends. On est tous dans la galère. Africanos gang, truands de la galère. T'as vu ça où, hey? C'est les marnards. 9-3, ouais, c'est ça. C'est comment? C'est pour les vrais garçons. Une grosse livraison d'une grosse cargaison. Une grosse distribution, une grosse moisson. Mec de terre, terre qui est déterre. En équipe ou solitaire avec l'arsenal de guerre. De guerre, pas le temps de fumer. Y'a des polos allumés. Pas le temps de se la raconter. Y'a du pif à compter. 77 Sud, Seine-et-Marne. T'inquiète pas, on parle pas ici. Tu mets pas ta hasba. Né pour prier et non pas pour briller. C'est le son du terre-terre. Interdit au pété, on fout le spell dans nos halls. Toujours présent, même en tôle. Y'a mon blast dans les chaules. Son ulerce me donne la call. Je réfléchis pas, je passe à l'action. S'interdit au balance, tu connais la sanction. J'suis ce projectile qui éclate les gyrophares. Écoute les bons les stars, acharnés contre les stars. Fais place au vacarme aux vikings. La cause en reskin, foulé comme ma résine. Apprécie l'école du crime. Évite les tchagas. Les passes rares, si tu fais de la maya, tu feras sourire la mama. Africanos gang, truand de la galère. Solitaire, au-delà des frontières. Soldat du terre-terre, j'me prétends pas gangster. La balle traverse ton corps, c'est mort, tu finis sous terre. C'est le son du terre-terre, le son qui baffe les gangsters. Le son qui s'arrête pas, au péage on pète les barrières. Hey, c'est pour mes gars et les frères truands de la galère. On représente et comme DJ avec la manière. On lâchera pas, ce qu'on veut c'est des salaires. Faut mettre bien la mif et faire en sorte qu'il n'y ait pas de galère. Hey, un gros morceau pour les youfs qui tirent pas en l'air. Ouais. On vise le torse si ça score, et ça c'est sincère. J'étais pris pour un dealer, mais t'es juste un intermédiaire. Tu me ramènes tout mon ralci, j'aurais plus souci. Je rêve de compter toutes mes liasses avec un gros joint celle-ci. Faire plaisir à la mifa et retourner dans mon pays. Tu veux nous virer de la France, mais notre présence est capitale. Sans nous, y'aura plus d'ambiance, on a même gagné le mondial. C'est qui ramène des médailles pendant les Jeux Olympiques? Si t'as besoin d'un athlète, viens faire un tour à Fleury. Fais place au fac. Carnot Viking, la cause en reskin, foulé comme ma résine. Apprécie l'école du crime, évite les tchagas. Les passes rares, si tu fais de la maya, tu feras sourire la mama. Africanos gang, truand de la galère. Solitaire, au-delà des frontières. Soldat du terre-terre, je me prétends pas gangster. La balle traverse ton corps, c'est mort, tu finis sous terre. Écoute garçon, ça rap, frappe de maçon. Roule et serre la poisson. On casse les reins comme Messi sur du gazon. R.O.Z.L. c'est le blason, ghetto dans la façon de faire basson. Les vitesses qu'on les refroidisse comme un glaçon. Ouais, t'as reconnu le matricule, recule. C'est l'arme spot au gros smoker. Fuck les cachetons, la poudre et la piqûre. Y'a le bled sur ma figure et trop de portes dans ma rue. Frère, on le sait tous, puis tu meurs, c'est pas un métier qui dure. Écoute, j'débarque avec le son du terre-terre. 140 balles dans mon chargeur pour les faire taire. J'ouvre pas les ticanos, nous c'est Africanos. C'est pour tous mes vatos, toujours anti-hardcore. C'est le rap des 3S sur le beat qui t'agresse. On vient pour contrôler comme Tony Montana dans Scarface. C'est la rue en direct, c'est les chiens enragés. Comme le tsunami, on vient pour tout ravager. Fais place au vacarme aux vikings. La cause en reskin, foulé comme ma résine. Apprécie l'école du crime. Évite les tchagas. Les passes rares, si tu fais de la maya, tu feras sourire la mama. Africanos gang, truand de la galère. Solitaire, au-delà des frontières. Soldat du terre-terre, je me prétends pas gangster. La balle traverse ton corps, c'est mort, tu finis sous terre. Volume 2, le son du terre-terre.